Donc on commence, inshallah, bismillah, walhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 90 dans la lecture du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Aqidatu Ahl al-Sunnati wal-Jama'ah, avec le sharh du Cheikh lui-même. Et il dit maintenant, par rapport au hadith qu'on a lu au dernier cours, parce qu'on était en train d'expliquer que on n'a pas le droit de dire à propos de quelqu'un qu'il sera au paradis en tant qu'individu, excepté s'il y a une preuve spécifique du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Donc si quelqu'un, Allah a témoigné qu'il sera au paradis, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné qu'une personne sera au paradis, alors dans ce cas-là, oui, on peut le dire à propos de l'individu. Sauf que si ce n'est pas le cas, alors on n'a pas le droit de témoigner pour une personne qu'elle sera au paradis. Et on a dit que aussi la même chose pour une description, dans le sens que on peut témoigner de façon générale que toute personne qui possède les caractéristiques des gens qui ont été désignés comme étant les gens du paradis, eh bien on peut dire de façon générale que ces gens-là seront au paradis sans spécifier une personne en particulier. Comme par exemple, je peux dire tous les pieux, hein, tous les muttaqoun seront au paradis. Je peux dire tous les mu'minoun seront au paradis. Hein. Je peux dire al-muhsinoun, ils seront au paradis. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est des exemples qui sont mentionnés dans le Coran. Et par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt martyr, il sera au paradis. Donc, je peux dire que les martyrs seront au paradis, mais je ne peux pas dire un tel est au paradis ou un tel est martyr. Parce que le fait de dire que quelqu'un est un martyr ou un shahid en arabe, eh bien, ça, c'est quelque chose que seul Allah sait réellement. Donc, on peut espérer pour quelqu'un qu'il soit parmi les martyrs et on peut souhaiter ou espérer ça pour lui, mais on n'a pas le droit de le dire avec détermination ou de dire ça avec certitude. C'est ce qui va venir après, justement. C'est ce qui va être expliqué après. Donc, le cheikh, il a commencé par l'exemple du paradis. Après, plus tard, il va donner la même explication, mais par rapport à l'enfer. Donc, il mentionne ici, après avoir expliqué le hadith qu'on a lu au dernier cours au sujet de la personne qui meurt shahid, qu'il va être ressuscité au jour de la résurrection. Et que sa blessure va laisser sortir couler le sang, et la couleur sera la couleur du sang, mais l'odeur sera l'odeur du misc. Donc ça va sentir l'odeur d'un parfum, et ça c'est au jour de la résurrection. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux qui est tué dans son sentier. Donc c'est lui qui sait réellement qui est le martyr. Parce que quelqu'un peut avoir participé à un combat ou à une guerre ou à une lutte dans le sentier d'Allah et être mort dans le champ de bataille. Ça ne veut pas dire que son intention était sincère, ou ça ne veut pas dire que dans son cœur il était réellement parmi les martyrs. C'est parce que c'est Allah seul qui connaît ce qu'il avait dans son cœur. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ça avec certitude. Et le cheikh il dit wa dhakara fi al-fath athara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal innakum taquluna fulanun shahidun wa fulanun shahidun wa la'allahu an yakuna qad fa'ala wa kadha kadha wa kadha ya'ni ghalla walakin qulu man mata aw qutila fi sabilillahi fa huwa shahid wa man hadhihi 'amma. Donc, il dit, le cheikh, ici, une citation qui est tirée de Fath al-Bari. Fath al-Bari, c'est l'explication de Sahih al-Bukhari, une narration de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dans laquelle il dit, vous dites, un tel est martyr, un tel est martyr, mais peut-être qu'il a fait telle ou telle chose, c'est-à-dire, par exemple, qu'il a volé du butin, hein? Il a pris du butin avant qu'il soit distribué. Donc il dit, ne dites pas, hein, un tel est shahid, mais plutôt dites, un tel est mort ou a été tué dans le sentier d'Allah. Hein? Ou bien vous dites, un tel, ou bien vous dites de façon générale, quiconque meurt dans le sentier d'Allah ou quiconque est tué dans le sentier d'Allah, alors il est shahid, il est martyr. Mais ne dites pas spécifiquement un tel, il est martyr ou un tel, hein, il est tué dans le sentier d'Allah ou un tel, il est mort dans le sentier d'Allah. C'est seulement Allah qui sait s'il est mort dans le sentier d'Allah. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, celui qui meurt dans le sentier d'Allah ou qui est tué dans le sentier d'Allah, alors c'est un shahid. Et donc, le fait de rajouter celui, eh bien, ça rend la chose générale. Hein? Après, le shaykh, il dit, « Idhan, qul, kullu man qutila fi sabilillah fa huwa shahid, walakin la taqul fulanun shahid, liannahu qad yakunu difa'uhu an fi qalbihi an hamiyyah. قد يكون دفاعه في قلبه عن حمية وعصبية وما أشبه ذلك ولكن مع الأسف الشديد أن كلمة شهيد الآن صارت رخيصة كما كانت كلمة شيخ تجد أنه يقال للإنسان الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه يقال له شيخ يعني ونجد أن الذي يجلس في مجلس يعني كلهم عوام ثم يقوم ويتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعة فيقولون هذا عالم هذا الجهبذ الذي لا نظير له فيكون عندهم شيخ شيخ الشيوخ. Donc le cheikh il dit maintenant donc toute personne, on peut dire toute personne qui meurt dans le sentier d'Allah, alors il est martyr. Mais on ne peut pas dire un tel est un martyr. Parce que peut-être que la raison pour laquelle il a combattu, c'est à cause de la fierté ou par fanatisme, hein, ou pour défendre sa tribu, juste parce qu'il est de cette tribu-là ou de ce groupe-là, et des choses de ce genre. Donc, il dit malheureusement, aujourd'hui, on voit que les gens ils utilisent le terme « shahid », Yani, c'est devenu quelque chose qui a peu de valeur pour les gens. Hein? Comme par exemple, ils disent à propos de Sayyid Qutb, ils disent « Shahid ou l'Islam ». J'ai entendu ça dans la bouche d'un des prédicateurs, un prêcheur en arabe. Il disait « Shahid ou l'Islam, Sayyid Qutb ». Allah al-Musta'an. Qui t'a dit qu'il est shahid? Hein? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné une certitude? Il t'a révélé une révélation particulière pour te faire savoir qu'un tel, il est mort shahid? Comment tu as fait pour savoir qu'il était shahid? Hein? Et en plus, lorsqu'on sait que la personne en question, Sayyid Qutb, était une personne avec beaucoup de déviations et beaucoup d'égarements et beaucoup de bid'a, donc toi tu viens et puis tu le décris comme étant non pas un shahid seulement, mais le shahid de l'islam. Shahid ou l'islam, c'est-à-dire comme s'il n'y en avait pas d'autres shahids autres que lui, ou bien comme s'il était tellement important qu'il était devenu le shahid de l'islam, a'udhu billah. Donc ça, c'est des exemples. Et la même chose aussi pour n'importe quelle personne qui est mort parmi les ikhwan. Tu vois que surtout chez les ikhwan, c'est comme ça. Si un de leurs groupes est mort ou a été tué, pour la défense de leur groupe ou de leur jama'a ou de leur bid'a, ils disent « Ah, shahid, fulan, shahid, fulan, shahid ». Donc, ça veut dire que c'est devenu quelque chose de peu de valeur. Hein? Oui, ils disent à propos d'une de leurs têtes, parmi les têtes des Ikhwan, comment il s'appelait donc? Abdullah Azam, dit « Shahid Abdullah Azam ». Ou un tel, yani, tous ces gens-là, yani, Allah al-Musta'an, c'est des gens qui ont propagé des idéologies, des khawarij et toutes sortes d'égarements, et puis aujourd'hui, ils les décrivent comme étant des martyrs. Donc ça, c'est une erreur, et c'est une contradiction avec la aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, la aqidah salafiyya. Et c'est une des tendances des murji'ah. De décrire que des gens comme ça et de dire avec détermination qu'ils seront au paradis, peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est comme si tu dis, peu importe que quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait comme péché ou comme égarement, depuis qu'il est croyant, il va être au paradis. Hein? Et quand tu dis qu'il est martyr, c'est comme si tu disais qu'il va être dans le plus haut degré du paradis parce que les martyrs sont dans le Firdaus. Hein, donc c'est vraiment grave de dire ça. Naam. Toi, t'es algérien? Ah oui, subhanallah, je pensais que tu étais marocain. Hein, parce que, non, parce que la plupart des frères que je connais de la Belgique, la plupart sont des Marocains. Hein, c'est pour ça. Et puis même, tu ressembles un peu à un Marocain. Bon, c'est vrai qu'ils disent ça là. Ils disent ça à propos de quoi? Du pays? Le pays des millions de martyrs? Ah, non, on ne peut pas dire ça. C'est seulement Allah qui sait s'il y a 1 million de martyrs ou non. Et combien d'entre eux sont vraiment des martyrs. Hein? Donc, il faut s'abstenir de ce genre d'affirmation gratuite, comme on dit là. Hein? Le cheikh, il mentionne ensuite, il dit aussi la même chose pour le terme cheikh. C'est rendu maintenant qu'on appelle n'importe qui cheikh. Il dit, quelqu'un, des fois on dit ça, et le cheikh lui dit, donc ça c'est une expression, yani, pour dire que la personne, elle ne sait même pas le quoi du comment, puis on l'appelle cheikh, alors qu'il n'a pas d'ilm, il n'a pas de science. Hein? Les gens, il dit, tu vois, quelqu'un, il va s'asseoir, il y a des gens qui sont des gens ordinaires, des musulmans ordinaires, des gens du commun. Et la personne, elle se lève, puis elle commence à faire un discours, puis elle parle avec éloquence et avec beaucoup de courage. Puis les gens disent, ah, oh, ça c'est un alim, ça c'est un cheikh, hein, ça c'est une personne vraiment courageuse, forte. Oui, le cheikh des chouyoukh. Alors qu'en réalité, il n'a pas, il connaît rien du tout. Hein. La même chose aussi pour le terme imam. Il s'est rendu que les gens, le cheikh dit, kadalika sahulat al-an kalimat imam. Falo kataba al-insanu kitaban mukhtasaran min absati ma yakun wa aqallu ma yakun qalu hadha imam. Ma'a anna al-imam la budda an yakuna jihbidhan. عالما كبيرا متبوعا فليس كل إنسان يؤلف كتابا يقال له إمام ولذلك لما اختلفت المفاهيم صارت الألقاب تشوش فعندما تقرأ كتابا صغيرا ألفه أحد الناس وتقول قال الإمام فلان ابن فلان فيظن السامع أنه إمام من أكابر العلماء ولا يجوز أن نصف الإنسان بما لا يستحق لأن فيه شيئا من الكذب. Donc il dit la même chose. Donc le terme imam, c'est devenu facile maintenant. N'importe qui, il écrit un petit livre, il dit même un livre très résumé des plus simples possibles, puis après on l'appelle imam. Et il dit alors qu'en réalité l'imam, quand on dit de quelqu'un qu'il est un imam, ça veut dire c'est quelqu'un qui doit être extrêmement grand, un grand savant qui a beaucoup de gens qui l'ont suivi dans la religion et qui a été accroché fermement à la sunna et ainsi de suite. Et donc, c'est pas n'importe qui écrit un livre qu'on peut l'appeler imam. Et donc, aujourd'hui, même la même chose que je disais tout à l'heure à propos de Sayyid Qutb, hein, ils ont dit de lui qu'il était shahid et ils ont dit aussi de lui qu'il était imam. Hein, ils ont dit de lui qu'il était imam. L'exemple de ça, c'est que tu vas voir, par exemple, certains parmi eux, les Hizbiyyin et les Qutbiyyin, ils écrivent un livre et ils vont décrire, par exemple, l'imam Ahmad ibn Hanbal, et puis après, ils écrivent l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'imam, avant ça, ils vont dire l'imam Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, puis à notre époque, ils disent et l'imam Sayyid Qutb. Donc, tu vois le livre, dans le livre, il parle de ces grands ulama, des imams de la science, Imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, puis là, après, ils te mettent ces kotob à notre époque. Donc, quelqu'un qui est un musulman du commun, et qui écoute ça, hein, ou bien qui voit ce livre-là, il va s'imaginer quoi? Il va s'imaginer que ces kotob est du même calibre que ces grands ulama, hein? Donc, c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens ont commencé à élever cette personne, alors qu'en réalité, si on regarde par exemple des personnages comme à notre époque, Tariq Ramadan, eh ben, si on regarde un petit peu la comparaison, on voit que, par exemple, des gens comme Tariq Ramadan sont de la même catégorie, le même style que Sayyid Qutb. C'est des gens de philosophes, des penseurs, des journalistes, des gens qui écrivent qu'est-ce qu'ils pensent selon leurs sentiments et leurs émotions, qui parlent sans science, qui parlent sans compréhension, qui ne reviennent pas à la compréhension des salafs, qui ne retournent pas aux ulama d'Ahl-Sunnah, puis par la suite, ils se font comme ça qualifiés comme étant des imams, des chouyoukhs, des ulama, et ainsi de suite. Barakallahu fik. Donc c'est ça, exactement. Donc ça c'est un exemple, des fois, comme tu dis, des gens qui se donnent, qui essaient de se cacher derrière les grands savants et se donner une crédibilité en citant leur nom. Donc ils vont parler de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Imam Ahmad, Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani. Puis après, tu les entends citer Sayyid Qutb et d'autres personnes comme ça. Tout de suite, tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas. Hein? Donc, comme on dit ici, je ne sais pas si vous dites ça aussi, hein? Ça tourne pas rond. Hein? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein? Eh bien, c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose qui marche pas parce que c'est une contradiction de citer ces gens-là et puis de mentionner les autres en même temps. C'est comme si tu glorifies les gens de la sunna, puis des gens de l'égarement, tu les glorifies de la même façon. Donc c'est comme si tu te contredis en réalité. Hein? Et donc c'est une bonne manière, comme tu dis, Harry, les témoignages que tu as donnés, c'est une bonne façon pour découvrir justement ceux qui sont réellement sur la sunna, de ceux qui sont des prétendants à la sunna, mais qui en réalité font l'éloge et la défense des gens de l'égarement et de l'innovation. Après ça, le cheikh il dit: Wa ala kulli hal, al-an rakhusat kalimatu shahid, hatta yuqalu lil-insan idha qatala nafsahu innahu shahid. Famathalan, alladhina yada'una al-mutafajjirat fi butunihim, fayamutuna biha, yuqalu 'inda ba'd an-nas innahu shahid. Wa nahnu naqul innahu yu'adhdhabu bima qatala bihi nafsahu fi nar jahannam. Lakinnana لا نعينه بل نبرأ إلى الله من هذا ونقول كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل نفسه في جهنم أما هذا الرجل فلا نقول إنه في جهنم لأنه قد يفعل هذا متأولا ظنا أن هذا حق فهذا لا يعذبه الله عز وجل أرأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا فقال المشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا يظن أنه قالها تعوذا من القتل وخوفا منه ونحن لو وقعت لنا هذه كنا نظن كما ظن أسامة رضي الله عنه وأنه قال ذلك تعوذا من القتل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وبخه وقال مكررا عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يكون هذا الذنب مما يغفر لي بالإسلام. يعني المهم أن الشهادة أمر مهم خطير جدا، فإذا فعل الإنسان فعلة المؤمن التقي فقل أحسبه كذلك والله حسيبه وأرجو له التوفيق وأرجو له الجنة وأرجو له الثواب حتى تسلم. Donc le cheikh il dit de même façon que le, donc comme on a dit, le terme shahid est devenu un terme qui a peu de valeur pour certains, et même que des gens qui se tuent eux-mêmes, les gens aujourd'hui disent ah, un test, un martyr, hein? Il a mis des explosifs dans son ventre, hein? Puis il s'est fait exploser. Et yani, il se tue avec ça, puis certaines personnes disent « Ah, c'est un martyr ». Le cheikh, il dit « Nous, on dit non ». Il sera châtié par ce par quoi il s'est tué dans le feu de l'enfer. Hein? Mais le cheikh, il dit « Mais on ne va pas désigner la personne en particulier comme en disant par exemple « Ah, lui, il va être en enfer ». Mais on se désavoue de ce qu'il a fait et de lui, et on va dire de façon générale « Toute personne qui se tue » lui-même, eh bien, il sera châtié dans l'enfer par ce par quoi il s'est tué. Toutefois, cette personne en particulier, comme on le voit par exemple aujourd'hui chez les Khawarij, les Takfiriyin et les groupes d'égarement comme les groupes comme Al-Qaïda ou Daesh, qui se remplissent le ventre d'explosifs ou qui mettent des explosifs dans leur voiture ou des choses comme ça, ou des fois même on leur dit même pas. C'est leur chef qui les envoie avec les explosifs. Eux, ils mettent les explosifs dans leur voiture. Ils vont dire « va acheter quelque chose pour moi » ou « va dans le marché, va chercher quelque chose ». Et eux, ils savent, on ne leur dit pas, hein? On ne leur dit pas, ils sont comme des mules, hein? Ils s'en vont avec la voiture et une fois arrivés là-bas, ils appuient sur le bouton, puis ils font exploser la voiture avec eux dedans et ils font tuer avec ça des centaines de personnes. Et donc, tout ça pour dire, eux, ils pensent que ça, c'est un acte qui est valeureux, un acte qui est méritoire. Et ils pensent qu'en agissant ainsi, ils vont être au paradis. Et ça, il n'y a pas de doute, comme le cheikh il explique ici, que le suicide, c'est interdit en islam. Donc, comment quelqu'un pourrait être glorifié pour un acte qu'il a fait qui est interdit, hein? Alors, le cheikh, il dit, on ne va pas dire donc de cette personne qu'il est lui-même spécifiquement en enfer, mais par contre, toute personne qui se tue de façon générale, on dit, il sera châtié dans l'enfer par ce par quoi il s'est tué. Il dit, en ce qui concerne cette personne en particulier, hein, il a fait ça peut-être comme avec une fausse interprétation. C'est-à-dire, il a interprété la religion de façon erronée. Il pense que qu'est-ce qu'il fait, c'est vrai. Donc, peut-être que à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'excuser dans le sens qu'il a été trompé ou on lui a déformé la compréhension de la religion. C'est comme, par exemple, Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, un grand parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait énormément. C'est le fils de Zayd. Hein? Usama, radiyallahu anhum. Et il a tué un mushrik pendant la guerre, pendant la bataille. Et ce mushrik-là, il s'enfuit de Usama. Hein? Il s'enfuyait de lui. Et au moment où il arrive pour le tuer, le mushrik, il dit « La ilaha illallah ». Alors, quand un mushrik, il dit « La ilaha illallah », ça veut dire qu'il accepte l'islam. Tu n'as plus le droit de le tuer. À partir de ce moment-là, son sang devient sacré. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de le frapper maintenant. Mais lui, Usama, il s'est dit en lui-même, lui, il a dit « La ilaha illallah » seulement pour que je ne le tue pas, pour se protéger. Alors, il l'a tué quand même. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été en colère contre lui. Il l'a blâmé d'avoir fait ça. Et il lui a répété plusieurs fois, il a dit « Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit « La ilaha illallah » ?» Hein? Il lui répétait ça comme ça, sans arrêt. Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Jusqu'à ce que Usama, il a dit, j'ai souhaité que j'aurais pas été musulman avant ce jour-là. Même dans un jour, dans une autre narration, il dit, qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection? Au jour de la résurrection, qu'est-ce que tu vas faire avec la ilaha illallah? Hein? Comment tu vas gérer ça? Hein? Et donc Usama, il s'est senti très mal. Et le cheikh, il dit, peut-être que si Usama, radiallahu anhu, a fait cette erreur-là, peut-être nous-mêmes, on l'aurait fait aussi. Peut-être qu'on aurait été dans la même situation que lui, on aurait nous aussi fait cette erreur-là, en pensant que lui, ce mushrik, il a fait ça juste pour être épargné, pour se sauver. Hein? Mais par contre, on n'a pas le droit. Donc c'est pour dire que, des fois, quelqu'un peut avoir une erreur dans sa compréhension ou une fausse compréhension de quelque chose. Ça peut être une excuse pour lui. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Et ce n'est pas tout le temps que quelqu'un est excusé comme ça. C'est dans le cas de la personne qui réellement n'avait pas compris ou connu quelque chose. Et ici, quelqu'un, par contre, on lui a clarifié la chose et on lui a montré les preuves et il refuse de l'accepter. Il refuse d'accepter la vérité, il refuse d'accepter la sunna et il persiste à vouloir faire quelque chose qui est contraire à l'islam avec connaissance. Alors c'est clair qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'excuse pour cette personne. C'est certain que Usama, radiyallahu anhu, après ce qui lui était arrivé là, il n'a plus jamais refait ça. Hein? Et donc, ça, c'est important parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens, c'est pas par ignorance qu'ils le font, c'est par passion. Ils suivent leurs désirs et leurs passions et ils savent les versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, ne faites pas que vos mains vous amènent à votre propre perdition. Hein? Et il y a d'autres hadiths aussi qui parlent du suicide et qui mentionnent à quel point c'est quelque chose qui est interdit. Donc, de tomber dans ça au nom de l'islam et de prétendre que ça c'est quelque chose de valeureux dans la religion, là, ça c'est clair que c'est quelque chose qui est ridicule. Et même l'autre, là, comment il s'appelle, Al-Qardawi, hein, la tête des Ikhwan, eh ben lui, il fait la glorification des gens qui se suicident comme ça, des gens qui se suicident et qui font des attentats suicides, et ils considèrent que ça c'est un moyen, hein, dans le djihad. Donc ça fait partie des exemples, des égarements des Ikhwan et de ceux qui suivent leur voie. Et alhamdoulillah, les ulama d'Ahl-Sunna, ils ont fait des fatwas là-dessus pour expliquer que c'est contraire à l'islam. Le combat dans l'islam, c'est pas de cette façon-là. Hein? Et ça, c'est yani un moyen par lequel ils utilisent pour faire tuer des innocents, alors que yani, c'est pas... Comment je pourrais dire, c'est pas des situations où il y a des guerres qui sont déclarées officiellement. C'est des gens qui sont en paix, des gens qui ont signé des ententes de paix ou des choses comme ça. Puis toi, tu viens en plein milieu de leur ville et tu te mets dans des endroits publics et puis tu te fais exploser comme ça. Tu tues des femmes, des enfants, des vieillards, des innocents qui sont même pas avertis, qui sont même pas au courant de quoi que ce soit, puis tu les tues comme ça, tu penses que tu es en train de faire une bonne action. Où est-ce qu'il est le bien là-dedans? Hein? Donc le cheikh il dit: Wal muhim anna ash-shahadata amrun muhimun wa khatirun jiddan fa idha fa'ala l'insanu fi'lata al-mu'min at-taqi faqul ahsibuhu ahsabuhu kadhalik wallahu hasibuhu. Il y a un exemple dans le hadith, le professeur Salem qui disait, quand tu veux glorifier quelqu'un, puis tu sais pas, hein, tu sais pas la réalité de la personne, parce que c'est seulement Allah qui le sait. Donc tu dis, Ahsibuhu kadhalik, Wallahu hasibuhu, Wala uzakki ala Allahi ahada. Hein? C'est-à-dire, je pense qu'il est comme ça, et Allah c'est lui qui va le juger, et je ne vais pas purifier personne au-dessus d'Allah. Hein? Donc, c'est Allah qui sait réellement la situation et l'état de cette personne-là. Et tu dis, Arjulahu Tawfiq, j'espère pour lui le succès. Wa Arjulahu Jannah, j'espère pour lui qu'il aura le paradis. Wa Arjulahu Thawab, et j'espère pour lui la récompense. Hein? Parce que le martyr, le fait d'être martyr, c'est quelque chose de très, très important et de très, très dangereux. Et yani, si quelqu'un fait quelque chose et qu'il est croyant et qu'il est pieux, hein? Donc on espère qu'il soit comme ça, mais on ne sait pas la réalité, c'est seulement Allah qui sait. Donc toi, tu veux être du côté sûr et tu veux éviter de tomber dans le péché ou dans le fait de glorifier quelqu'un au-dessus de qu'est-ce qu'il mérite. Alors dans ce cas-là, tu dis ça, hein? Ahsabuhu kadhalik, wallahu hasibuhu. Après, le cheikh il dit: Alhamdulillah. فإنه لا يضره إذا لم يشهد بأنه شهيد لو كان شهيدا عند الله ولا ينفعه إذا شهدنا أنه شهيد وهو ليس شهيدا عند الله إذا ما الفائدة نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس. Et ça, c'est un point important que le cheikh il mentionne ici. Il dit, Alhamdulillah, il dit, si nous, on dit pas qu'il est shahid, hein? Eh bien, ça va pas lui faire du tort si Allah réellement il l'a considéré comme étant un shahid. Et si on dit qu'il est shahid, eh bien, ça ne va pas non plus lui profiter du fait que nous on dit qu'il est un martyr, que yani, qu'on dise ça de lui alors qu'il ne l'est pas auprès d'Allah. Hein? Ou bien de ne pas le dire alors qu'il l'est réellement auprès d'Allah, ça ne va pas nous nuire non plus. Et si on dit qu'il est shahid alors qu'il ne l'est pas auprès d'Allah, eh bien ça ne lui profite pas. Alors, où est-ce qu'il est le bien de se mettre, disons, sous la possibilité de commettre un péché, hein? Qu'est-ce qui est mieux? Éviter ça. C'est mieux d'éviter de dire ce genre de choses puisqu'il n'y a aucun bienfait qui en découle pour nous. Et peut-être même qu'on fait quelque chose de haram, hein, en parlant sans science. Et pourquoi? Pour satisfaire certaines personnes. Parce que certaines personnes veulent entendre qu'on glorifie ou qu'on dit telle chose à propos de quelqu'un. Après, le cheikh, il dit, « Mas'alatun ba'du l'ulama et rahimahumullah » قال إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أو لشخص بأنه من أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له بالجنة مثل الأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليهم قال إنه يجوز أن نشهد لهم بالجنة واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجبت قالوا يا رسول الله ما وجبت قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Donc ça c'est une narration qui est rapportée par l'imam Muslim, par Al-Bukhari pardon, et l'imam Muslim aussi, selon Anas radiyallahu anhu. En fait, la question c'est que certains ulama ont dit que si les musulmans se sont mis d'accord pour glorifier une personne parmi les musulmans, eh bien, s'ils disent qu'il est parmi les gens du bien et parmi les gens de la piété et de la foi, alors on peut témoigner pour lui qu'il sera au paradis. Et il donne comme exemple les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna et d'autres parmi les grands ulama. Il dit « La Ummah est d'accord pour faire leur éloge ». Donc, ils disent qu'il est permis de témoigner pour eux qu'ils seront au paradis. Et ils se basent sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque une janaza, des funérailles sont passées, ils ont fait l'éloge de la personne. Hein. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « wajabat », c'est-à-dire « c'est obligatoire ». Et l'autre janaza est passée et ils ont fait des éloges, ils ont critiqué la personne ou ils ont dit des choses blâmable sur la personne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wajabat, c'est obligatoire. Eh bien, ils ont dit, oh messager d'Allah, qu'est-ce qui est obligatoire, hein? Ma wajabat. Alors là, il a dit, le premier, vous avez fait l'éloge de lui et dit du bien. Alors, le paradis sera obligatoire pour lui. Et le deuxième, vous avez fait des éloges, des critiques sur lui et vous avez mentionné du mal à son sujet, alors l'enfer est obligatoire pour lui. Et donc, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Et donc, il se base sur ce hadith-là pour dire que si les gens de la Ummah sont tous d'accord pour dire du bien d'une personne, que ça veut dire qu'il sera parmi les gens du paradis. Et le cheikh, il dit, « Wa mimman dhahaba ila hadha al-madhhab, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. » ولكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه أو القدح فيه وأنا أقول لكم وأكرر أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة فأنا إذا شهدت لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بأنه من أهل الجنة فأنا الآن بين الإثم والسلامة وليس بين الإثم والغنيمة ولو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجح ومعلوم أن الإنسان سوف يرجح جانب السلامة على احتمال الإثم فنقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى لهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة، ولكن شهادتنا لهم بالجنة لا توجب لهم الجنة لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها، فالسلامة أسلم. Donc le cheikh il dit, donc parmi les ulama qui ont eu cette opinion là qu'on vient de mentionner, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Mais la plupart des savants qui ont écrit dans les questions de aqidah, ils ne mentionnent pas cette opinion là. Et il dit donc, c'est-à-dire que si la Ummah est d'accord pour faire l'éloge ou la critique de quelqu'un, que ça veut dire qu'il sera soit au paradis ou en enfer. Donc il dit, je répète encore une fois et je dis, où est le bien? Où est le bien? Où est le bienfait de faire le témoignage, hein, ou de faire un témoignage dans lequel je serai entre le péché et la sécurité? Peut-être que je vais témoigner pour quelqu'un que la Umma a fait des éloges à son sujet, qu'il fait partie des gens du paradis, et je serai, moi, entre le péché et la sécurité. Et donc, il n'y a pas entre le péché et le fait de gagner ou d'avoir un butin ou quelque chose de plus, comme un butin, ou entre le péché ou le butin, il dit... Si j'étais entre le péché et le butin, j'aurais dit, on regarde lequel des deux est plus proche ou lequel des deux est plus lourd. Mais on sait très bien que l'être humain, il va toujours faire pencher du côté les choses du côté de la sécurité. Et il va négliger le côté du péché. Donc, il dit, ces grands imams, on témoigne pour eux qu'ils ont du bien. Et on espère pour eux qu'ils soient parmi les gens du paradis. Mais notre témoignage pour eux qu'ils seront au paradis ne veut pas nécessairement dire qu'ils seront au paradis. C'est-à-dire, le fait qu'on le dise à leur sujet qu'ils seront au paradis, ça ne veut pas dire qu'ils vont être au paradis juste parce qu'on a témoigné pour eux. Le contraire aussi est vrai. C'est-à-dire que si on ne témoigne pas pour eux qu'ils seront au paradis, ça ne va pas les empêcher de rentrer au paradis. Hein? C'est-à-dire, s'ils sont des habitants du paradis, ils méritent d'y rentrer, ils vont y rentrer même si on ne témoigne pas pour eux du paradis. Donc, c'est mieux d'être du côté de la sécurité. Assalam. Donc, ça, c'est à propos de ça. Maintenant, la question que tu me posais à propos du témoignage par rapport à l'enfer, le cheikh, il en parle maintenant. Il dit « Wa nashhadu bin nari li kulli man shahida » شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. Donc il dit, on témoigne de l'enfer pour toute personne au sujet de qui le Coran et la Sunna ont témoigné qu'ils seront en enfer, soit en tant que personne, en tant qu'individu, ou par rapport à une description ou une caractéristique. Et donc, parmi les exemples des témoignages des personnes spécifiques qui ont été mentionnées comme étant en enfer, il y a Abu Lahab et Amr ibn Luhay al-Khuza'i et d'autres, par exemple, comme ces gens-là. Il y a aussi Iblis. Hein? Iblis, Allah, il a dit clairement qu'il allait être en enfer. Hein, et des exemples comme ça. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, il explique maintenant par rapport à ce passage-là. Il dit, بالعين أو بالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب بأنه من أهل النار نشهد بدليل القرآن قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار فنشهد له ونقول عمرو بن لحي الخزاعي نشهد إنه في النار وكذلك كل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه في النار فإنا نشهد به. Donc, il dit le cheikh que Abu Lahab, par exemple, il y a un témoignage qu'il sera en enfer hein, en tant que personne individuellement. Son châtiment a été mentionné dans le Coran. Donc, la preuve qu'il sera en enfer, c'est dans le verset dans Sourate Al-Masad. Hein, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ça veut dire que périssent les deux mains de Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Pourquoi? Parce qu'il était mushrik, kafir, il oppose la vérité. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme aussi. Allah, il a témoigné qu'elle sera en enfer. Donc, ça veut dire on peut dire qu'elle est en enfer. La porteuse de bois, hein, à son cou, une corde de fibres. Hein. De même que Amr ibn Luhay, al-Khuzai. Je pense que Amr ibn Luhay, c'est celui qui avait ramené les idoles, le premier qui avait ramené les idoles autour de la Kaaba. C'est lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il sera en enfer et qu'il traînera ses entrailles. Hein. Il va traîner ses intestins y aller dans l'enfer. Pharaon, il y a le témoignage aussi à son sujet dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je pense que c'est à propos de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yes, un exemple de Pharaon exactement. Donc, ceux qui ont été désignés par Allah subhanahu wa ta'ala, ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon spécifique comme étant des habitants de l'enfer ou comme étant dans l'enfer, alors on peut témoigner qu'ils seront en enfer. Mais en dehors d'eux, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un n'a pas été désigné spécifiquement dans le Coran ou dans la Sunna comme étant en enfer? Parmi les koufars et les mushrikines, est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils seront en enfer? Là, le cheikh, il parle de ça maintenant. Il dit: وَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالْوَصْفِ الشَّهَادَةُ لِكُلِّ كَافِرٍ أَوْ مُشْرِكٍ شِرْكًا أَكْبَرٍ أَوْ مُنَافِقٍ. Donc, il dit, en ce qui concerne le témoignage par la description ou par la caractéristique, on peut dire de façon générale et on peut témoigner pour chaque kafir ou pour tout kafir, tout mushrik qui a commis un shirk majeur ou tout hypocrite, munafiq. Hein? Donc le cheikh il dit: Fa kullu kafirin finnar, wa kullu mushrikin shirkan akbar fahuwa finnar, wa kullu munafiqin fahuwa finnar, wa hada umumun nashhadu bihi, amma ala sabil at-ta'yin fala. Donc il dit: En ce qui concerne, donc on dit tout kafir, tous les koufars sont dans l'enfer. Tous les mushriks qui ont commis du shirk majeur, ils sont dans l'enfer. Et tous les munafiqins sont dans l'enfer. De façon générale, on peut témoigner de ça. Mais en ce qui concerne le fait de désigner quelqu'un en particulier, ça, on n'a pas le droit. On ne peut pas désigner quelqu'un en particulier comme étant en enfer. Hein? Puisque, yani, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait sa mention dans le Coran ou dans la Sunna. D'accord? Mais de façon générale, on peut dire que tout kafir ou tout mushrik sera au paradis. Comme on peut dire que tout croyant sera au paradis. Tout mushrik, tout kafir sera en enfer, ça on peut le dire. Tout croyant, tout mu'min, toute personne qui est pieuse, qui est croyante, elle sera au paradis. Ça, on a le droit de le dire. Mais de désigner une personne en particulier, on ne peut pas. Et le cheikh, il dit: Wa kama yujad al-an. رؤساء كفرة يموتون فنشهد لهم أنهم في النار بعينهم. الجواب: أنا أرى أن الاحتياط براءة الذمة أن لا نشهد، وليس شهادتنا لهذا بالنار وفي التحرز منها كشهادتنا لكافر معلن كفره ولكن ما مات على الكفر فهذا ربما يهدى فيما بعد. لكن إنسان مات على الكفر ونشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علمنا أنه أسلم فالشهادة لهذا بالكفر قريبة. لكن مع هذا نقول الاحتياط أن لا نشهد، فإن شهادتك له بالنار إن كان ليس من أهلها فلن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، فهو من أهل النار. ولهذا نرى أن الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز بلا شك لاحتمال أن يسلم. وكم من كافر أسلم، أما إذا مات على الكفر فلم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطية ليس كالحكم المجزوم به. Donc le cheikh il dit ici que est-ce que si il y a des têtes de la mécréance qui meurent, est-ce que on doit témoigner à leur sujet qu'ils seront en enfer de façon individuelle et spécifique? Le cheikh il explique et il dit, et moi il dit, moi je considère que il est préférable de prendre une précaution à ce sujet-là et de se préserver en ne témoignant pas pour ce kafir-là comme étant en enfer de façon particulière ou spécifique, parce que le fait qu'on dise de ce kafir, par exemple, il dit s'il n'est pas encore mort, peut-être qu'il peut être guidé, hein? Peut-être qu'il peut encore être guidé, mais une personne qui est morte sur le kofr, hein, jusqu'à la dernière instant de sa vie, on n'a pas su qu'il s'est converti ou qu'il a témoigné de sa foi. Et malgré ça, le cheikh il dit, hein, c'est clair que il n'y a pas de doute qu'il est proche. Si on dit, par exemple, cette personne qui est morte et qui a été sur le kofr toute sa vie, yani on n'a pas entendu de lui qu'il s'est converti jusqu'au dernier moment de son existence. Donc il dit, encore là, il faudrait encore prendre une précaution et éviter de dire que cette personne-là sera en enfer. Parce que si on dit de lui qu'il est en enfer et qu'il ne l'est pas, alors ça n'aura aucun effet. Et wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si on dit yani qu'il n'est pas en enfer alors qu'il fait partie des gens de l'enfer, alors yani il fait partie des gens de l'enfer quand même. Donc il dit qu'est-ce qui est préférable, c'est yani de pas dire quoi que ce soit, yani de pas témoigner pour le kafir ni du paradis ni de l'enfer. Yani, le paradis, c'est de façon générale, on dit c'est pour les croyants, et l'enfer, de façon générale, c'est pour les koufars. Donc on dit s'il meurt sur le kofr, il sera dans l'enfer. Hein? Et il dit, toutefois, si c'est un kafir qui n'est pas encore mort, eh bien, on ne va pas dire qu'il est en enfer, ça c'est certain, parce que il peut toujours se convertir avant sa mort. Oui. Attends. Donc il dit, toutefois s'il meurt sur le kofr, et nous on n'a pas su qu'il a jamais dit la ilaha illallah durant sa vie, alors dans ce cas-là on va pas dire qu'il est en enfer. Pourquoi? Par précaution. Il dit parce que on sait très bien que le jugement qu'on prononce par précaution, c'est pas comme le jugement qu'on prononce avec certitude. Vas-y, tu peux. C'est quoi ta question? Écoute, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que oui, il y aura des croyants qui vont rentrer en enfer. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer toute personne qui a une atome de foi, hein, il va les faire sortir de l'enfer. Donc oui, on peut dire ça, qu'il y aura des musulmans en enfer. Mais ils ne vont pas rester éternellement en enfer s'ils rentrent. Ils vont rester seulement un certain temps. Parce que c'est seulement les mouchriquines qui ont fait du shirk majeur ou les kuffars qui ont fait du kuf majeur qui vont rester éternellement en enfer. Après, le cheikh dit fa'in qila hadha hukmuna ala yahoudiyin ou nasraniyin bi'annahu kafir fahal yalzamu min dhalika an yadkhula an-nar biduni taraddudin. إذا حكمنا على يهودي أو نصراني بأنه كافر فهل يلزم من ذلك أن يدخل النار بدون تردد؟ الجواب فالجواب نعم لا ولا شك فيه، لأن اليهود والنصارى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ثم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنص على اليهودي والنصراني، ولكن لا نجزم بأن هذا الرجل بعينه من أهل النار، لكن كل يهودي فهو في النار وكل نصراني فهو في النار، كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة، ولكن لا نشهد لشخص معين بأنه من أهل الجنة، وإن كنا نرى مؤمنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحب الله ورسوله فلا نجزم بعينه. ففرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوصف. Donc ici, ça c'est un autre exemple. Le cheikh, il dit, si on dit à propos des juifs et des chrétiens qu'ils sont des kuffars, est-ce que ça implique qu'ils vont entrer en enfer sans hésitation? Et le cheikh, il dit, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus que les juifs et les chrétiens sont dans l'enfer. Il dit, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, qu'il n'y a pas aucun d'entre les juifs ou les chrétiens de cette umma qui entendent parler de moi et qui meurent sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu, excepté qu'ils seront parmi les gens de l'enfer. Ça, c'est un texte clair qui indique que les juifs et les chrétiens sont en enfer. Sauf que, est-ce qu'on peut dire à propos d'un individu spécifique parmi les juifs et les chrétiens qu'il sera parmi les habitants de l'enfer? Il dit non. On ne peut pas dire à propos d'un individu spécifique parmi les juifs et les chrétiens qu'il sera en enfer. Mais on peut dire tout juif sera en enfer et tout chrétien sera en enfer, de la même manière qu'on peut dire tout croyant sera au paradis. Mais on ne peut pas témoigner à propos d'une personne en particulier qu'il sera parmi les habitants du paradis. Même si on considère que la personne, elle est croyante, elle fait la salat, elle fait le jeûne, elle paie la zakat, elle aime Allah et son messager. Malgré ça, on ne va pas dire avec certitude que la personne en particulier en question, elle est au paradis. Donc il y a une différence entre le témoignage par rapport à une personne en particulier et le témoignage par rapport à de façon générale, par rapport à une description, par rapport à une caractéristique. Donc ça, c'est la réponse à ce sujet-là. Ensuite, bon, maintenant, le cheikh, il va parler d'un autre sujet. Il parle maintenant du châtiment de la tombe. Donc moi, je pense qu'on devrait s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, parce que le sujet a été clarifié par rapport à ça. Maintenant, on rentre dans un autre sujet. Donc, c'est mieux de le laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah, pour rentrer plus dans les détails. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.